Merci beaucoup. Alors, oui, j'ai intégré des choses de Deleuze et Guattari parce que j'étais étudiante de Deleuze pendant un an pour une maîtrise de cinéma et philo à Vincennes, il y a bien longtemps, avant de partir sur le terrain en Australie. C'était, je crois, 75, 76, 77. Voilà. Donc, c'est des images que vous pouvez voir. Sur le net, pour ceux qui ont suivi les cours de Deleuze. Quant à Guattari, la situation est un petit peu différente. C'est pas seulement qu'il a inspiré mon travail, notamment des choses récentes que j'ai reprises en allant au Brésil, c'est que ma thèse lui a été donnée au début des années 80, donc vous ne savez jamais quel est le destin d'une thèse. Et donc, il m'a appelé un jour pour me rencontrer. On a parlé pendant des heures. C'était le jour de son séminaire qu'il organisait chez lui. Et donc, il m'a fait parler. Et à l'époque, il y avait un enregistreur. Et ce séminaire a été publié, ensuite, transcrit, dans le premier numéro de Chimère. Et nous avons fait un autre séminaire en 85 qui est aussi transcrit dans ce numéro. Et d'ailleurs, il est traduit là en anglais et en portugais. Il va sortir dans un livre au Brésil qui s'appelle, comme le titre de la présentation d'aujourd'hui, Devenir totémique. Simplement, c'est un livre bilingue qui va sortir donc à São Paulo, chez un éditeur de l'ouzo-guattarien, Peter Palpel-Barth, que vous devez tous connaître, qui est philosophe et aussi thérapeute, qui enseigne à São Paulo, à Pukespé, et qui a sorti déjà beaucoup de livres. Donc, je crois que le dernier, c'est celui de Maurizio Lazzarato, et enfin, tous les bouquins sont de l'ouzo-guattarien. Donc, les livres sortent dans un sens, c'est en portugais, et dans l'autre sens, c'est en anglais. Voilà, donc c'est prévu pour fin mars. Et à cette occasion, normalement, le lancement se fait avec Viveiros de Castro, où on aura une discussion qui répond un petit peu à ce que je dis dans l'introduction de ce livre, qui est de questionner la différence telle qu'entendue aujourd'hui, notamment dans ce que vous avez tous dû lire dans Par de la nature et culture des quatre ontologies de Descola, entre totémisme et animisme, avec quoi je ne suis pas vraiment d'accord. Mais ça, on en parlera surtout à la discussion si vous avez des questions, parce qu'avant, je voudrais vous donner des éléments sur ce qu'on appelle le totémisme australien à partir de mes données, particulièrement en Australie centrale, qui n'est pas la seule région où j'ai travaillé. Alors, j'ai trouvé très intéressant la manière dont vous avez posé les questions de ce séminaire, donc les expériences privilégiées en tant qu'expérience de soi, identification à autrui et type de relation au monde. Donc, j'ai essayé d'organiser un petit peu ma présentation par rapport à ça. Et bien que vous annonciez qu'il y avait une alternance entre les ethnographies et la réflexion épistémologique, si j'ai le temps, j'aimerais vous proposer un petit modèle épistémologique qui est particulièrement inspiré des cartographies schizoanalytiques de Guattari, donc sur lesquelles nous avons travaillé pendant des années quand il faisait son séminaire à Paris, puisqu'il a été absolument emballé par les données Walpiri, que vous voyez actuellement à l'image, comme étant à l'époque, quand il construisait ses concepts, de cette cartographie, puisque son livre est sorti que dans les années 90, donc il le construisait comme une opération collective avec tous les gens qui venaient là, mais particulièrement ces données aborigènes comme l'exemple parfait de type de territoire existentiel qui s'articule donc dans sa cartographie avec les univers incorporels et d'exemples de sociétés où cet aspect-là est plus fort que l'autre aspect. Donc des flux et des philums, c'est-à-dire du capital, évidemment. Alors on avait un débat là-dessus, puisque bien évidemment les aborigènes, tout en ayant leur cosmologie, ont été pris dans la colonisation, et tout ce qu'ils font aujourd'hui est une réponse à la violence coloniale, donc ils ne vivent pas en vase clos par rapport à notre monde, au contraire. D'ailleurs, je pense même que depuis ces dernières années, les populations autochtones sont encore plus dans une situation de plus grande transversalité internationale et globalisée, parce qu'ils sont l'objet d'intérêts absolument de tous les pouvoirs transnationaux, et notamment économiques, les grandes compagnies pour leurs ressources. Et donc, dans les plus petits lieux, les plus lointains des villes, on voit passer absolument tous les acteurs socio-économiques du monde aujourd'hui, hein, que ce soit pour les mines, que ce soit pour les religions, que ce soit pour étudier les climats, etc. Alors que certains de nos laboratoires scientifiques sont devenus comme des réserves en vase clos qui correspondent à ce qu'était autrefois idéalement un terrain dit exotique où on pensait qu'il n'y avait aucune influence extérieure. Donc, les expériences de soi. Je voudrais partir d'une question de langue. Pourquoi est-ce que je parle de devenir totémique? C'est très important, c'est devenir au sens de l'ozo guattarien, c'est-à-dire c'est une notion qui n'est pas essentialiste. Alors déjà, quand on parle du totémisme en général, et notamment si vous regardez la définition de l'ontologie totémique chez Descola, un totem est pensé comme quelque chose de substantialiste. Parce que c'est dans la tradition de la présentation du totémisme que l'on sait qu'on l'en a imaginé et une identité de substance entre la personne et son totem. Bon. Il se trouve que dans la majorité des cas en Australie, mais on va s'en tenir au Walpiri, une personne n'a jamais un seul totem. Et la manière dont elle exprime ce que nous avons appelé en anthropologie totem en prenant un terme qui venait des Algonquins, en le comprenant mal d'ailleurs, comme lien avec les animaux, bon, Lévi-Strauss a bien commenté ça, et évidemment aussi Descola dont parle de la nature et culture. Donc c'est devenu un concept dans l'histoire anthropologique qui a été beaucoup discuté. C'est un artefact de l'histoire de l'anthropologie, donc il existe en tant qu'artefact, il se redéfinit sans cesse. Avec Lévi-Strauss, dans le totémisme aujourd'hui et la pensée sauvage, on pensait s'être débarrassé du concept, et donc Descola l'a remis au goût du jour. Mais à mon avis, pas là où c'est intéressant. Donc je reviens, devenir totémique, parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas une co-substance entre ce qu'une personne appelle, donc son totem, et dans le cas australien, ça traduit en fait des concepts autochtones, comme en Walpiri, Tchukurpa, qui littéralement veut dire rêve. Alors, je vais dessiner par-dessus. Donc, alors évidemment, je cours pas, même si c'est littéralement le mot qu'on utilise pour les rêves nocturnes comme ceux qu'on fait, ce n'est pas le seul terme, le seul sens plutôt. Je cours pas est pensé comme une mémoire. Donc, une mémoire qui est à la fois inconsciente, pour nous, hein, je dirais les termes inconsciente et inconsciente. Mais en Walpiri, les termes qui sont utilisés, donc elle est à la fois inconsciente et consciente, c'est consciente, kankalo, ça veut dire dessus. Et moi, je l'ai traduit par actuel. Donc, actuel au sens courant et au sens du concept de Deleuze et Guattari. La mémoire inconsciente, Kanushu, donc en Walpiri, c'est virtuel. Ça, c'est un premier niveau. Alors, c'est virtuel pourquoi? Parce que Tchukurpa, c'est le langage qui est oublié. Alors, ce que je vous écris là, vous pouvez le trouver. Ce tableau en particulier, dans ce livre, qui s'appelle « Du rêve à la loi chez les aborigènes ». Il est épuisé maintenant, mais vous pouvez le retrouver, vous pouvez le télécharger gratuitement sur Academia. Et donc, particulièrement ce tableau-là, je ne l'ai pas noté où ça se trouve, mais vous, en feuilletant votre... C'est plutôt au début du livre. Donc, langage oublié. Alors que... La mémoire consciente, Kankarlo, l'actuel, c'est le langage utilisé, tel que la langue se parle. D'accord ? Ça, c'est très important, parce que à la mort, chaque fois que quelqu'un meurt, son nom ne peut plus être prononcé, et tout ce qui, dans la langue, homophoniquement, rappelle son nom, disparaît du langage, et doit être remplacé par l'expression « sans nom ». En Walpiri et dans les langues voisines, enfin jusque dans le Kimberley, hein, parce que vous avez plus de 200 langues en Australie, c'est Kumunjai. Et l'expression en anglais, c'est no name. Donc par exemple, si quelqu'un est mort qui s'appelle Jacques, eh bien tous les Jacques ne peuvent plus s'appeler Jacques et on va les appeler no name. C'est le cas dans les écoles aujourd'hui. Hein. On s'adressera à la personne, il disait no name, come to the board. Okay? Kumunjai, ça veut dire ça. Alors, on va considérer que ces mots que l'on ne prononce plus, qui peuvent être remplacés par des suffixes ou par cette expression, eh bien, partent dans la mémoire et attendent de revenir, de se réactualiser. Donc, ils partent dans cette mémoire virtuelle. Donc, ça ne veut pas dire que Djukurpa, c'est une mémoire fermée où tout a déjà été pensé et les choses sortent et repartent. Hein, au contraire, c'est illimité, c'est-à-dire il faut se situer dans une notion spatiale qu'entre deux points, vous pouvez toujours en rajouter un autre. Mais la combinaison de tout ce qui est possible en tant que particule est déjà donnée dans la mémoire de Djukurpa, le rêve. Ça veut dire, donc il n'y a pas de limite, mais virtuellement, tout est déjà là. On ne sait pas, on ne peut pas compter, on ne peut pas quantifier ce qui est déjà là. Mais virtuellement, c'est déjà là. Il y a seulement certaines choses qui s'actualisent et qui peuvent revenir au virtuel. Alors, Deleuze appelle ce processus de actuel vers virtuel la cristallisation. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que ça se joue, la relation entre les deux. Alors, à l'époque, donc ce livre est sorti en 1991, c'était ma thèse d'état que j'avais soutenue en 88, j'avais dit que l'équivalent de ce niveau que les Waipiri appellent Kankarlu, donc le dessus, l'actuel, le manifeste, c'est la culture. Alors que ce qu'ils appellent Karlushu, le dessous, le latent, le secret, le virtuel, c'est la nature. Et donc dans ce livre, je disais que pour les aborigènes, et en ça, je veux dire aucun désaccord avec l'utilisation que Descola a fait dans son ontologie totémique, par rapport donc à ces cycles, tout est virtuellement à la fois culturel et naturel. Culturel parce que nommable et localisable, naturel parce qu'ayant perdu ou pouvant perdre son lieu de référence et son nom. Si nature et culture sont comme l'envers et l'endroit du langage, dont le rêve est le point d'autopénétration et de retournement, le totémisme des aborigènes du désert est, par rapport à la culture, un système dynamique, une machine à territorialiser ou déterritorialiser. Ce totémisme ne prétend pas culturaliser la nature ou naturaliser la culture, ni transcender leur opposition, mais il discrimine à chaque génération ce qui, du sens, peut être localisé simultanément dans les hommes, leur histoire et leur géographie, c'est-à-dire comme repère à la fois temporel et spatiaux de leur identité. Ainsi, c'est le totémisme lui-même qui produit une coupure entre le nommé localisé, la culture, et ce qui ne l'est pas. Et ce que je dis là n'a rien à voir avec l'opposition nature-culture de Lévi-Strauss. Vous connaissez la formule, hein, que les groupes humains s'organisent et se différencient en fonction de la manière dont ils différencient la nature. Ce n'est pas ça du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque génération, la frontière change. Et que donc faire des rituels totémiques, c'est ressouligner une nouvelle frontière dont les éléments hétérogènes ne sont pas les mêmes, puisque les personnes qui meurent sont liées à une constellation de totems, c'est jamais un seul totem, que tous ces totems deviennent virtuels, ne peuvent plus être prononcés, et donc l'organisation entre les totems, qui sont actuels ou virtuels, change la limite entre ce qui existe dans le quotidien par l'incarnation des gens qui sont là dans cette génération vivant, d'accord ? Les totems qui existent par les humains qui en portent le nom ne sont pas les mêmes à chaque génération. D'accord ? Donc la culture, à un moment donné, c'est ça. Voilà. On peut aussi oublier le terme nature et culture puisque ça s'organise autrement. Mais là, c'est important, c'est-à-dire que le fait que la proposition de définition de Descola de l'ontologie totémique, qu'il a changée d'ailleurs au cours de l'élaboration de sa matrice. Au départ, il n'y avait que deux ontologies, l'animisme pour les Indiens et le totémisme qu'il avait défini d'une manière qui aujourd'hui correspond au naturalisme dans son ontologie A4. Donc, Ulvérus de Castro lui avait écrit dans un article que justement, ça ne lui semblait pas être le totémisme, mais le naturalisme. Il a pris ça en compte, Descola, et a fait 4 ontologies. Le fait qu'il ait hésité sur la manière de définir le totémisme n'est pas par hasard. C'est que l'effet de continuité entre nature et culture, que je ne nie pas, existe, mais on ne peut pas appréhender le totémisme que par la continuité entre les intériorités et les physicalités, hein, que en termes de ressemblance à ces deux niveaux-là, parce que précisément le totémisme n'arrête pas de fabriquer de la différence. Et en ce sens-là, il a aussi un côté analogique. D'accord ? Donc, c'est très important parce que sans ça, on ne pourrait pas comprendre comment les aborigènes ont pu résister à tout ce qu'ils ont supporté des violences de la colonisation. S'ils n'avaient pas eu ce dynamisme dans la manière dont fonctionne le totémisme, ils se seraient complètement écroulés. Hein. Donc ils ont été déplacés de leur terre. Ils ont été enfermés, forcés à la sédentarisation, enfermés dans des réserves. On leur a interdit de parler leur langue, on leur a interdit de faire des rituels. Et pourtant, dans les années 70, quand après de longues luttes, ils ont pu faire des revendications territoriales, eh bien c'était basé sur ce que nous appelons le totémisme et que eux appellent Chukurpa, en anglais, le dreaming. Dreaming comme processus. Et le dreaming comme processus, ça veut dire que l'on peut s'adapter, d'accord, au fait qu'il y a eu des massacres, qu'il y a des groupes qui ont disparu, que surtout à chaque naissance, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Hein, et il y a une inaction au sens de Varela. Alors, juste pour finir sur le petit tableau ici, ce qui est dans le livre, c'est qu'au niveau ici de je pour pas comme actuel, eh bien, il y a à nouveau une opposition. Ce qui est actualisé, c'est le totem. Donc la mémoire, hein, on est toujours, je ne compte pas comme mémoire de rêve. Mémoire, bon, dans un sens beaucoup plus vaste que le rêve tel qu'on, en général, on le décrit dans la psychanalyse, enfin, chez nous. D'accord ? Mémoire. Mémoire pas seulement humaine, mémoire de la terre, mémoire de toutes les espèces. Tout ça, c'est je ne compte pas. La mémoire du vivant, et tout est vivant, y compris le vent, la pluie, les étoiles. Mémoire du vivant. Donc cette mémoire est actualisée comme totem dans la culture, et c'est ce que vous voyez dans le film qui passe derrière moi. Les femmes sont peintes sur le corps avec des cartes totémiques, c'est-à-dire que tous les dessins qu'elles ont sur le corps correspondent à des sites qui sont reliés par des récits, des lignes, à dire Ingold. Bon, oui et non, c'est des lignes de vie qui correspondent à des ancêtres totémiques hybrides, des sortes de prototypes, des noms qui sont utilisés aujourd'hui, c'est-à-dire le dreaming, le rêve kangourou ou le rêve pluie. Ce n'est pas la pluie ou le kangourou, c'est quelque chose qui a permis qu'aujourd'hui il y ait des kangourous et de la pluie, et que ça continue, qu'ils se reproduisent, et quelque chose qui fait qu'il y a des humains qui s'appellent kangourou et pluie. Ce n'est pas de la substance. Ce n'est pas de l'essence. Il y a un prototype qui n'est pas tout à fait humain, ni pas tout à fait, qui n'a pas tout à fait la forme kangourou ou pluie. Ça ne les intéresse pas beaucoup, les aborigènes, de décrire visuellement à quoi ça correspond. Et d'ailleurs, leur art, donc dans le désert central, ce n'est pas la même chose. Hein, dans le nord de l'Australie, où il y a des choses figuratives, reste, pour nous, en apparence abstrait, mais c'est des cartes. D'accord ? Ce qui les intéresse, c'est le fait que, quel que soit le nom du dreaming, du totem, que ce soit pluie, kangourou, igname, bâton à fouir, ça peut être n'importe quoi dans la nature ou la culture peut faire office de nom totémique. C'est-à-dire n'importe quel mot substantif de la langue peut être un totem. Et donc, toutes ces choses-là se sont arrêtées, ont voyagé, se sont arrêtées en un certain nombre de lieux qui ont été marqués par leur action. Donc ils ont laissé des traces. Hein? Le terme en wapiri, c'est kuluwari. Kuluwari, ça veut dire empreinte. Bon, dans la logique de Peirce, c'est l'index, d'accord? C'est très important aussi, parce qu'on n'est pas dans le symbolisme. Ces images que les femmes portent sur le corps, qu'elles peignent sur les objets sacrés ou au sol, sont des index. Ce n'est pas des symboles. Ce n'est pas des icônes. Alors, il peut arriver que dans certaines circonstances, on fabrique une icône d'index. D'accord ? Donc, il y a, avec les Walpiri, Nan Simone qui a travaillé, et son travail est souvent cité en référence au mouvement de peinture sur toile à l'acrylique, très célèbre du désert central, qui ont commencé dans les années 70 et qu'on voit dans tous les musées d'art contemporain, donc ils sont rentrés sur le marché de l'art contemporain avec des couleurs, donc toutes les couleurs. Traditionnellement, il n'y avait que l'ocre, le rouge, le blanc, le noir et le jaune. Le noir n'étant pas une ocre d'ailleurs, c'est les cendres qui servent à faire du noir avec de l'huile. Donc, pour parler de ces peintures-là, on se réfère souvent à des signes que Nan Simone appelait des icônes, c'est-à-dire. Elle a fait un livre magnifique, très structural, qui s'appelle Walpiri Iconography, l'iconographie Walpiri. Donc vous avez des choses comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Donc elle appelle ça des icônes, qui sont composées. Et moi je dis c'est des index, parce que les cercles, c'est tout ce qui laisse, c'est des sites, comme dans une carte, d'accord, c'est des lieux, ou bien toute chose qui laisse une forme ronde quand elle est posée au sol. N'oublions pas, on est chez des chasseurs-cueilleurs, lire les empreintes, aussi bien des humains, qui peuvent d'ailleurs lire les empreintes de pied comme on identifie les empreintes digitales, en donnant le nom de la personne, et en donnant, en fonction de la pression de l'empreinte, si ça date d'une heure, d'une semaine ou d'un mois. Donc lire les empreintes pour les personnes, pour les animaux, mais aussi pour les plantes, parce que les ignames par exemple, les rhizomes d'ignames courent, font craquer le sol quand les lianes sont sous terre, ressortent, voilà. Les oiseaux, donc la plupart des oiseaux sont figurés par cette empreinte en forme de flèche qui est l'empreinte de leur pattes. Et ensuite, tout ce qui est ligne méandreuse, c'est ce qui laisse une ligne méandreuse au sol. Donc par exemple, un ruissellement d'eau, de la pluie. Mais la pluie peut aussi laisser ce genre d'empreinte au sol. Voilà, donc on le fera comme ça. Ça dépend du processus dans la pluie. Et puis, les lignes droites, eh bien, c'est tout ce qui est objet oblong. On peut poser une lance, un bâton à fouir au sol, il va être long. Si des personnes sont couchées, on va les représenter comme... on va les représenter parce qu'on a toujours l'habitude de dire on va les représenter. Mais ce n'est pas de la représentation. On va les figurer. On va les indexer. Et en indexant... Eh bien, on va composer des tableaux qui sont des cartographies, des scénographies. Mais ce n'est pas des icônes d'une scène. Quand les femmes dessinent sur le sable et qu'elles disent, par exemple, « Alors voilà, j'ai allumé un feu et j'en ai allumé un autre et je me suis assise à côté de ma fille. » Si les personnes qui s'assoient, c'est des demi-cercles. Et j'ai posé mon plat à côté de moi et mon bâton à fouir. Est arrivé mon mari qui s'est assis à côté de l'autre personne. Il a posé sa lance et son bouclier. Et ma fille est arrivée et elle s'est mise à faire une galette qu'elle a posée sur un plat. Vous voyez ? Donc ça... Ce sont les étapes d'action qui se succèdent. Et tout ça, ça s'appelle kuruwari. L'image finale s'appelle kuruwari. N'importe quelle image s'appelle kuruwari. Les peintures que vous voyez, donc les cartographies sur le corps des femmes, c'est des kuruwari. Kuruwari, c'est le terme aussi sacré pour parler des voyages des héros totémiques. D'accord ? Donc, c'est aussi le récit, qui est comme une image. C'est aussi les sites, reliés par le parcours de ces voyages. Donc, comment se situe... Alors, je n'ai pas fini. Actualisé comme totem. Mais de l'autre côté, on a aussi Djokorpa, qui est virtuel et oublié, nommé, mais non localisé. D'accord? Donc, alors que quand les choses sont actualisées comme totem, elles sont toujours localisées. Donc, imaginons n'importe quel peuple du dreaming, n'importe quel Tchoukourpa, parce que le terme Tchoukourpa s'utilise à la fois au singulier pour la mémoire de tout ce qui est vivant et au pluriel pour chaque peuple et chaque être du Tchoukourpa qui a laissé des traces au sol, qui sont devenus des sites nommés, des toponymes. Il y en a des milliers hein, dans le territoire Walpiri qui fait 600 km nord-sud et 300 km est-ouest. Donc, il y a des lieux qui sont associés donc à tous les noms totémiques. Et il est dit que tous ces êtres, quand ils voyageaient, donc le peuple pluie, semaient des kuruwari. Les kuruwari sont des sortes de, d'essence. Oui, j'utilise le terme essence. Mais aujourd'hui, les aborigènes disent que c'est comme de l'ADN. Bon. C'est des particules qui ont été semées au sol, elles sont tombées du corps de ces différents peuples qui marchaient, qu'ils soient de pluie, de vent, animal ou végétal ou des objets. Ils ont semé ces kuruwari dans des points particuliers, une pierre, un arbre, un trou d'eau, et ce sont des virtualités de vie qui attendent de naître. Donc chaque individu, garçon ou fille, enfin homme ou femme, est l'incarnation d'un kuruwari particulier qui correspond à un ver de champ. Avec un S. Un ver de champ, c'est-à-dire un verset. Un verset qui est condensé et qui est un prénom. Alors, vous savez, Bruce Chatwin a écrit, beaucoup de gens lisent ce livre, Le Champ des Pistes, et il utilise à ce propos de ce système du réseau de toutes ces lignes qui se croisent, de chemin de toutes les choses nommées, qui sont les Tchoukourpa, les Kuruwari, il parle d'un plat de spaghetti. Alors, c'est une image, c'est une métaphore qui prête à confusion, parce que dans un plat de spaghetti, vous n'avez que des lignes entremêlées, mais vous n'avez pas de point d'arrêt. Or, le principe même de la constitution de ces lignes, c'est que précisément, elles n'existent pas visuellement dans l'espace, il n'y a pas de chemins qui sont tracés en tant que chemin. Ce qui fait ligne, c'est la relation invisible du trajet entre deux points qui sont des indices. D'accord ? Donc en fait, ce qui est visible, ce sont des points d'eau, des collines, des arbres, qui sont nommés par milliers dans le désert. Et les gens qui connaissent leur kuruwari comme empreinte et comme récit totémique, savent quel lien faire entre les lieux. Mais ce n'est pas donné une fois pour toutes. C'est là qu'intervient le rêve. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, lorsque à la mort, le nom et les choses liées au nom du mort, donc le ver de champ, le ver de champ donc, devient tabou, il ne faut plus le prononcer. Ça fait comme un trou dans le langage, mais ça fait un trou dans les chants rituels qui sont chantés, qui accompagnent les images qu'on voit derrière. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va sauter, donc on raboute, on va enlever ce ver de champ, on va enlever l'épisode où il est arrivé quelque chose au peuple pluie, quand il est arrivé dans tel endroit, ils se sont assis, il y en a peut-être qui ont saigné, le sang est devenu de l'ocre, ou quelqu'un a uriné, c'est devenu une source, c'est ce genre d'histoire. D'accord ? Donc cet événement particulier qui va arriver là, où il y a aussi des histoires d'amour, des histoires avec les enfants, des combats, etc. Enfin là, comme la vie. Donc ce qui se passe juste à cet endroit-là, on va le sauter. Hein, on va continuer l'histoire comme s'il n'y avait pas ce petit épisode-là. Alors des fois, les gens sont pris par le chant, puis ils sont sur le point de le chanter. Et là, il y a un grand silence. Les autres les regardent. s'arrête de chanter et reproche à la personne qui est sur le point de faire un grand silence, donc il y a un grand vide, un grand trou. D'un seul coup, tout le monde évidemment pense à ce moment-là à la personne qui est morte, dont le deuil empêche de dire ce mot-là. Et parfois, on ne se souvient plus. Il y a des gens qui vont dire, mais c'est qui, hein? On va entendre, mais c'est qui? Qui dit, on ne peut pas prononcer son nom. Donc l'autre va lui dire, mais tu sais bien, le frère de ta belle, enfin de ton épouse, ou enfin ton beau-frère, ou le, hein, etc. Et donc, il ne faut surtout pas le dire. Pourquoi ne faut-il pas le dire? Parce que pour différentes raisons. Déjà, ça blesse les proches que d'évoquer la personne. Vous me direz, on l'évoque quand même, mais on l'évoque autrement, d'accord? Une façon aussi de lui rendre hommage en soulignant ce trou. Ensuite, au début de la mort de quelqu'un, le fait de prononcer son prénom et de l'invoquer par des noms, enfin par d'autres choses qui font homophonie avec son nom, c'est le retenir sur terre, alors que le destin d'un individu est multiple. Et ça dépend de son âge. Donc, déjà, le verbe de chant prénom, là, on dit Kulwalpa en Walpiri, et dans la littérature aborigène, c'est ce qu'on appelle un totem de conception. Eh bien, à la mort, ça revient exactement au même endroit d'où était parti cet esprit avant de s'incarner dans l'enfant. Et il attend à nouveau de naître. Et comment il choisit de naître à nouveau? Parce qu'on ne peut jamais avoir deux prénoms pareils, donc deux virtualités de vie ne se singularisent pas dans deux corps au même moment. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait au moins un ou deux jours après la mort. Chez Walpiri, c'est beaucoup plus. Il y a d'autres groupes, leurs voisins, chez les Kichas par exemple, où dès que quelqu'un est mort, on va chercher l'enfant à naître qui était déjà un fœtus, mais on va nommer l'enfant à naître avec l'esprit qui vient de partir. Chez les Walpiri, c'est différent parce qu'on connaît le nom que l'enfant va incarner avant qu'il naisse. En général, on voit dans un rêve, je dis « on » parce que c'est la mère, le père, ou quelqu'un de la parentèle, ou quelqu'un qui campe avec eux, qui, dans le rêve, un peu comme dans une histoire de détective, va chercher des indices pour identifier de quel lieu particulier, et donc quel est le ver de champ qui sera le prénom de l'enfant, qu'est-ce qu'il incarne. Mais ça, ça ne suffit pas pour faire une personne. C'est juste ce qui lui permet de parler et de bouger, c'est-à-dire d'articuler dans les deux sens. En français, ça marche comme en Walpiri. C'est indissociable, parler et bouger, hein, articuler. Et c'est vers 4 ans que ça se détermine. Donc jusqu'à 4 ans, même si les anciens et la famille connaissent le prénom de l'enfant, jamais on ne lui dira comment il s'appelle. On va l'appeler par ce qu'on appelle les noms de cou, dont je vais vous parler maintenant. Donc, l'identification. Donc là, vous avez à peu près les éléments pour l'expérience de soi. D'accord ? Donc, cette singularité-là qui devient corps. Mais ça ne suffit pas pour faire une personne. Pourquoi ? Parce qu'une personne se définit aussi par rapport à autrui. Il n'y aurait pas de corps vivant, humain, qui ferait sa vie s'il n'était que l'incarnation d'un esprit enfant qui se manifeste en rêve pour dire quel parent il se choisit. En gros, c'est comme ça. Ces rêves sont des très très jolies histoires. Il y en a des milliers qui ont été recueillis par des tas d'anthropologues. Une mère se promène, par exemple, et puis voit un fruit, et puis elle est prise d'une espèce de gourmandise. Alors, elle mange plein de fruits, elle s'endort, et elle voit en rêve que, en fait, elle va être enceinte, ou qu'elle est déjà enceinte. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit dont elle est enceinte, c'est la forme qu'il a pris pour la séduire. Et hein, c'est pas forcément le fruit qu'elle a mangé qui va être le totem. Hein, ça peut être juste un médium. Dans le rêve, elle aura des indices qui vont lui dire quel est le nom du lieu Et en général, l'enfant lui parle, s'adresse à elle, ou alors au père, ou à quelqu'un d'autre, dit, voilà, je suis, voilà mon tel vers de chant, hein, je suis Nakakout, par exemple, c'est moi, ta fille, ou c'est moi la fille de la femme qui s'est endormie tout à l'heure en allant à la chasse avec toi, et voilà, je vais naître parce que j'ai envie de passer un petit moment sur terre. Voilà. Donc à la mort, cet esprit retourne au lieu où il était, il attend à nouveau un autre parent. Mais une personne est faite du terme que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est kuruwari, qui partage donc des indices, des itinéraires totémiques, des devenirs totémiques, qu'il ou elle partage, dans le cas des Walpiri, avec le groupe de son père, les sœurs de son père. Et ça s'organise comme ça. Il y a eu beaucoup de débats dans l'histoire du totémisme sur est-ce que les totems sont liés ou pas au mariage ? Et donc c'est un petit peu ça qui a fait dire que le totémisme n'est pas universel parce que c'est pas vrai partout. Vous connaissez aussi Freud, totem et tabou. Est-ce que on peut ou non manger son totem? Bon, alors vous savez déjà que tous les totems ne sont pas des choses à manger, donc c'est pas ça la question. Mais des tabous, il y en a. Il y en a aussi bien au niveau de la sexualité que de l'usage qu'on en fait. Donc, et d'une manière générale, chez les Walpiri et leurs voisins du désert, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les totem dont on est la personnification, dont on est un des devenirs. D'accord ? Y compris d'ailleurs, on ne peut pas couper des arbres sur sa terre totémique. On a besoin d'alliés dont ce n'est pas le totem pour pouvoir couper les arbres. Donc il y a toujours, pour faire un rituel, tous les rituels que vous voyez ici, les femmes qui sont peintes sont gardienne des totems qui sont peints sur elles. Donc elles seules peuvent être peintes dans la journée, en tout cas, et danser leur totem. Et donc en Walpiri, c'est le totem qu'elles sont palkachari, c'est-à-dire le totem qui est devenu leur corps, qu'elles incarnent. D'accord ? Et elles n'incarnent pas seulement, on a changé d'époque là, maintenant on est en 1991, et c'est un film qui a été tourné par un Walpiri, Francis Chupurula, qui est venu d'ailleurs quelques années plus tard à Paris à l'exposition Magicien de la Terre avec des peintres Walpiri à la halle Porte de Pantin. On peut arrêter les images. Merci. Qu'est-ce que j'étais en train? Les interdictions et les totems devenus leur corps. Voilà, il y a des interdictions sur tous les totems. Donc, est-ce que ça va quand j'écris au tableau que vous avez de la lumière derrière? Oui. Bon. Alors, donc dans ces débats sur le totémisme, est-ce que ça a à voir avec le mariage ou pas? Eh bien oui et non. Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement important pour les Walpiri, leurs voisins du désert, aussi les Yonggu de Terre d'Arnhem, et qui a fait couler beaucoup d'encre, donc, notamment dans les structures élémentaires de la parenté de Lévi-Strauss, mais aussi énormément de mathématiciens à travers le monde. C'est ce qu'on appelle les systèmes de parenté, notamment aborigènes, et donc celui-là, qu'on appelle le système des sous-sections. Mais les aborigènes, eux, ils disent que c'est le système des noms de peau. De peau. Alors, chez les Walpiri et beaucoup de leurs voisins, ainsi que les Yonggu, il y a 8 noms de peau. Pour comprendre comment, dans quelle relation ils se trouvent, le plus simple, c'est de dessiner un cube. Voilà. Pourquoi un cube? Parce que dans un cube, il y a 8 sommets. Et qu'on va imaginer que chaque sommet est un des noms. Alors je ne vais pas vous mettre les noms en vrai, donc c'est les mêmes noms pour les femmes et pour les hommes, sauf que pour les femmes ça commence par un N, comme Nungarai, Nampijimpa, Nangala, Naburula, Napangari, Napananka, alors que les mêmes noms pour les hommes commencent par un J, donc ça donne Jungarai, Jangala, Japananka, Japankari, etc. Je ne vais pas vous les écrire, vous les trouverez dans les bouquins si ça vous intéresse. Simplement, on va partir du... Imaginez que ces noms, c'est comme Jean, Michel, Bernard, et donc Jean, Jeanne, Michel-le, Bernadette. Ok ? Alors, on va dire, tous les Jean et les Jeannettes sont ici. Eh bien, si vous avez ce nom-là et que vous êtes une femme, tous vos enfants porteront le nom de Michel et Michel-le, d'accord ? Si vous êtes une femme Michel, tous vos enfants s'appelleront Pierre et Pierrette. Et c'est là. Si vous êtes une femme, tous vos enfants s'appelleront Louis et Louise. Et c'est là. Et si vous êtes une femme, tous vos enfants s'appelleront, comme au début, j'avais dit quoi ? Jeanne et Jeannette. Voilà. OK ? Mais si vous êtes un homme, les flèches sont très importantes. Si vous êtes un homme, tous vos enfants s'appelleront, oh, je ne sais pas, Dominique. OK ? Si vous êtes Dominique, homme, tous vos enfants s'appelleront Jean et Jeannette. D'accord ? Ici, c'est pareil. Je ne sais plus quel prénom on avait mis. Et tous les hommes ici, leurs enfants seront en bas. Et tous les hommes en bas, eh bien, leurs parents auront le même nom de peau que leur père. Leur père aura le même nom de peau que leur... leur grand-père aura le même nom de... Le grand-père et le petit-fils auront le même nom de peau. D'accord ? En lignée masculine. Et donc, ça marche ici avec les quatre arêtes du cube. Ok ? C'est-à-dire que dans la lignée des garçons, à travers les hommes, toutes les deux générations, on a le même nom de peau. Donc cette relation est réversible. D'accord ? C'est en termes mathématiques, le fait qu'on va d'en haut en bas, en deux temps, c'est réversible. D'accord ? Le fils de A est B, et le fils de B est à nouveau A. Par les femmes, ce n'est pas le cas, comme je vous ai dit au début. Par les femmes, il faut quatre générations, donc c'est irréversible. D'accord ? Si la mère est ici, la fille est là, la petite fille est là, l'arrière-petite fille est là, et ça ne se boucle qu'en quatre générations. Si vous allez dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même relation. En bas, c'est pareil. En bas, c'est dans l'autre sens. Alors, cette logique relationnelle, en mathématiques, ça s'appelle un groupe diédrique. Et ça se donc figure par un cube. Les aborigènes, ils n'ont pas besoin de dessiner un cube. Par contre, les relations entre leurs noms de peau correspondent aux relations mathématiques d'un groupe diédrique. Donc, ici, il y a des relations. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec le totémisme ? Pourquoi est-ce qu'un homme et une femme ne donnent pas le même nom de peau à leurs enfants ? Ben parce qu'on ne se marie pas au sein avec des gens de son propre nom de peau. D'accord ? Donc, cet enfant ici est le résultat d'une femme qui est là et d'un homme qui est là. D'accord ? Ça veut dire que la relation de mariage sur le cube, elle est représentée par les diagonales sur les quatre faces du cube. Ok ? Et donc, que disent les aborigènes qui ont des systèmes de peau ? Ils disent, on ne peut se marier, l'idéal, hein, le modèle, que avec des gens qui ont pour nom de peau le nom qui permet de fabriquer des enfants avec un troisième nom de peau. Vous avez compris ? C'est-à-dire l'enfant n'a pas le nom de peau ni de son père ni de sa mère. Pour que le système marche entre les huit, il faut au minimum cette différenciation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut se marier avec les hommes ou les femmes de tous les gens qui sont dans cette catégorie. Après, il y a des règles de parenté qui sont beaucoup plus compliquées et qui correspondent à des histoires d'alliances dans les lignages divers des familles. Mais au minimum, cette machine, comme dirait Deleuze et Guattari, est un système de repérage totémique. Pourquoi ? Parce que tous les totems chez les Walpiri, se répartissent en quatre. Donc, les totems sont soit dans cette, dans ces arêtes dans les quatre, dans une des quatre arêtes verticales, c'est-à-dire la relation entre père, fils, grand-père, petit-fils et leur sœur, hein, au niveau des femmes. Donc, on aura par exemple, si on a la pluie est ici, d'accord ? Il y a toute une série d'autres totems qui sont frères et sœurs de la pluie. Parce que ils sont tous, ils correspondent tous à ces deux noms de peau qui se fabriquent en lignée paternelle. D'accord ? Sur cette ligne-là, on aura par exemple Inyam et des tas d'autres totems qui sont gardés par des gens qui ont ces noms de peau-là. D'accord ? Alors, je ne sais pas, moi, ici, on aura peut-être la Voie lactée et toute une série d'autres choses comme le miel, les petites perruches vertes, etc. Enfin, c'est-à-dire tout ce qui est nommé, les animaux, les plantes, hein, les oiseaux, enfin, tout ce qui est nommé se répartit entre ces quatre axes verticaux. D'accord ? Et là, on aura, par exemple, kangourou. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la société, on a besoin de tout. Parce que sans pluie, sans eau, on n'arrive à rien. Tout le monde mange du kangourou. La Voie lactée, c'est une référence pour les initiations. Et les ignames, c'est la nourriture de base qui est échangée justement contre les kangourous, entre une belle-mère et un gendre, comme la base même de l'économie complémentaire. Donc, tout est lié. Aucune unité n'existe juste comme gardienne de son totem. Et dans les rituels, si par exemple ces gens-là veulent célébrer kangourou, eh bien ils ont absolument besoin, et c'est ce que vous avez vu dans les films qu'on a, qui passaient derrière tout à l'heure, vous aviez toujours des femmes qui étaient peintes et d'autres qui n'étaient pas. Vous avez remarqué ? Et qui les encadraient en quelque sorte, qui sautillaient autour d'elles et des fois qui leur disaient ce qu'il fallait faire. Eh bien, ça a un rôle. Ceux dont le devenir totémique est le nom qu'ils portent et qu'ils célèbrent, ce sont des Kirda, donc ce sont des gardiens. Kirda, ça veut dire père, paternel. Alors que ceux qui les aident sont des Kurdungulu. Kurdu, c'est, là, ça veut dire enfant. Et Murlu, ça veut dire qui appartient à. Donc, venant de l'enfant, donc c'est du côté de la mère. Donc, ce sont des personnes qui sont les mères ou les oncles maternels ou les neveux utérins, mais aussi des alliés avec qu'on épouse, qui ont ce rôle-là. C'est eux qui vont couper les arbres dont je parlais tout à l'heure sur la terre. Donc on a toujours besoin des autres, d'accord ? À double titre, on a besoin des autres pour célébrer son propre devenir totémique que l'on partage avec les gens qui ont le même nom ou qui sont dans l'arête, les deux noms qui s'alternent. Et on a besoin d'autrui pour célébrer les cérémonies avec des alliés et des maternelles. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire encore ? Donc, c'est très important de comprendre ici que ça, ce n'est pas un système de mariage, mais c'est une sorte de guide de repérage dans l'espace. C'est-à-dire que du fait que toutes ces relations-là se déploient en une centaine de terminologies différentes qui correspondent à des attitudes que l'on doit avoir avec les uns ou les autres en fonction de leur sexe, enfin en fonction de leur position en termes de peau, mais aussi en fonction de leur de nom de peau, en fonction de leur sexe, en fonction de leur âge, en fonction de leur degré d'initiation, ça veut dire que dans un rituel, enfin, si vous avez remarqué en regardant les images, il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment le boss qui dit aux autres ce qu'il faut faire. Les gens savent ce qu'il faut faire. Parce qu'ils se positionnent par rapport aux relations idéales qui sont données par les noms de peau et les relations entre les noms de peau et les devenirs totémiques qui renvoient au pays des uns et des autres. Parce que bien évidemment, ici se condensent des milliers de sites différents sur des espaces immenses. Mais qui ne peuvent pas se dessiner comme des parcelles les unes à côté des autres. C'est des réseaux de lignes qui s'entrecroisent et à certains endroits, il peut y avoir plein de gens qui sont gardiens de totems différents. C'est souvent les endroits où il y a beaucoup d'eau, où, hein, où il y a des sources riches, donc il y a plein de lignes qui passent là. Donc c'est pas tout, tous les gens ne sont pas en situation de frères et sœurs, là, de peau. Hein, ben donc ils ont des droits sur ce site-là, donc ce qui rend les revendications territoriales assez difficiles, vous imaginez bien. Alors, le virtuel, il est où? C'est que quand certains totems deviennent tabous, et notamment par les différents vers de chant, eh bien, il arrive qu'en rêve, non seulement on voit de nouveaux enfants qui vont porter le prénom qui était devenu tabou, mais aussi on entend de nouveaux récits, de nouveaux chants, de nouvelles peintures qui viennent se mettre entre deux points. Donc tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de certains points qu'on ne va plus nommer et chanter parce qu'il y a eu un mort, mais à l'inverse, entre deux points dans un récit, on peut voir en rêve que les héros kangourous ont rencontré, par exemple, le peuple des graines, et ils ont fait... Il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de quelqu'un d'autre, voilà, quelqu'un va entendre un chant d'amour et va dire, ah ben voilà, en fait, entre ce point-là et ce point-là, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. D'accord ? Bon. Alors, troisième temps, très vite, les types de relations au monde. Là, on va faire un saut sur YouTube. C'est ça, pour l'instant. Voilà. Si vous allez sur YouTube, certains d'entre vous peut-être déjà connaissent, il y a un Valpiri qui était instituteur à l'école de la Jamano, qui, bon, après, avec ce qu'il a fait, justement, a été reconnu par une université dans le sud et dans un programme type ANR chez nous sur, justement, l'épistémologie de, enfin, plus, et des chants rituels. Et donc, il s'appelle, son prénom aborigène, c'est Wanka. Et son nom anglais, c'est Steve Patrick. Et son nom de peau, ici, c'est Jampi Jimpa. Et les Jampi Jimpa sont des gardiens de l'eau et de l'émeute. Et donc, sur YouTube, en 2007, il a fait un dessin sur le sable qu'il a appelé Five Pillars, les cinq piliers de sa culture. Et il fait ça. Il commence par un cercle et dit ça, c'est Mura, la terre. Et la terre, le terme Mura, ça veut dire aussi le camp. Enfin, c'est home. Hein, en anglais, c'est sous-titré. Hein, si vous voulez voir ce truc sur YouTube, ça s'appelle, si vous tapez sur Google, c'est Murakolo. Donc, qui appartient à la terre. À chez moi, hein, on dit. C'est Mura, c'est mon camp. Donc, terre, c'est site aussi. Hein, home, en anglais. OK. Ensuite, il fait un autre cercle et il dit, en Walpiri, il dit Kuluai. Donc, vous savez déjà ce que c'est. OK. Sauf que lui, il le traduit en anglais par the law, la loi. Alors, la loi, c'est quoi? La loi, c'est la marque, l'empreinte, l'index. C'est pour ça que j'avais appelé mon livre « Du rêve à la loi » chez les aborigènes. Ensuite, il fait un autre cercle. Alors, les cercles, ils sont de même taille. Hein. Il fait un autre cercle qu'il appelle « language ». Enfin, il dit « Yadu ». Donc, c'est la langue. On va mettre « langue »,« langage ».« Langue ». C'est la même chose parce qu'on dit que les animaux, les oiseaux parlent. Hein, on dit Wanka, le tonnerre parle. Hein, donc c'est langue, langage. Ensuite, il fait un cercle qu'il appelle Warlalja. Et Warlalja, les Anglais disent c'est family, mais il continue en Walpiri et il donne tous les noms, les huit noms de peau là. Masculin et féminin, et les relations entre les noms de peau, qui les associent deux à deux. Donc il y a l'association, ces deux-là, ici les arêtes, c'est la relation paternelle, père-fils. Les diagonales ici, c'est la relation d'époux. Et ensuite, deux à deux, parce que la relation maternelle, elle suppose quatre. Hein. La quatrième relation, c'est les diagonales du cube lui-même, c'est la relation belle-mère-gendre. C'est la deuxième fois que j'en parle. C'est essentiel en Australie, c'est le tabou le plus fort. Les hommes et les femmes qui sont en relation de peau par leur nom comme belle-mère et gendre, mais pas forcément en alliance belle-mère gendre, n'ont pas le droit de se parler. C'est perçu comme, comme ce qu'on appellerait l'inceste. Mais c'est pas du tout, contrairement à ce que Freud a écrit et d'autres ont répété après lui, encore aujourd'hui, que la belle-mère serait un substitut de la mère. Non, c'est une relation d'alliance, il n'y a aucune relation de sang, c'est pas du tout ça. C'est parce que, au moment où on initie un garçon, on lui choisit une future belle-mère de son âge. D'accord ? Une petite fille de son âge. Hein. Aujourd'hui, ça se fait moins parce que les jeunes, ils aiment bien être entre eux du même âge. Mais traditionnellement, il y avait cette différence d'âge. Donc, un garçon de, entre 7 et 10 ans, on lui choisissait, et d'ailleurs les hommes et les femmes ne faisaient pas le même choix, après ça supposait beaucoup de négociations, jusqu'à ce qu'ils se marient, enfin jusqu'à ce qu'il y ait mariage, parce que ce n'est pas le garçon et cette petite fille qui se mariaient. Cette petite fille lui était choisie comme future belle-mère au sens de mère de sa future épouse. D'accord ? En français, on utilise belle-mère dans plusieurs sens. Hein ? Là, c'est la belle-mère, c'est la mère de sa future épouse. D'accord ? Donc, ils n'avaient plus le droit de ce jour-là, eux deux, de se parler, de s'approcher. Mais toutes ces sœurs classificatoires, donc toutes les femmes, filles, nommées, ayant le même nom de peau, sans rien à voir avec le sang, d'accord, et la famille, ils ne pouvaient plus avoir d'échange avec elles. Pourquoi ? Ben parce que, au cas où il y aurait eu échange très proche, il serait amené à épouser ensuite sa propre fille. Donc, ce tabou, en fait, masque l'inceste père-fille. Empêche, c'est une projection sur le futur. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, y compris des psychanalystes. Donc vous pouvez le noter puis réfléchir si vous n'avez pas capté tout de suite, mais je peux recommencer l'explication. Non, mais est-ce que tout le monde voit la relation ? Il faut expliquer, je pense. Il faut expliquer. Ben oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Je te dis, de toute façon, moi, ça fait des années que. Hein ? Ok. Donc on a un garçon et une fille. Donc il y a un rituel. Où on va dire que ce garçon, c'est juste avant la circoncision, et cette fille sera sa future belle-mère, c'est-à-dire la mère de sa future épouse. D'accord ? Donc quand elle a dit, ils ont 10 ans là. D'accord ? Bon, maintenant, imaginons, ils ont 15 ans. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Ils ont une relation sexuelle, et la fille tombe enceinte d'une fille, eh bien, la cérémonie ici d'initiation qui les a promis comme future belle-mère et gendre fait qu'il serait obligé d'épouser sa fille. You got it? Okay. Alors, c'est très important ça, parce qu'on en a dit des choses sur les aborigènes, on a dit ils sont hors du temps. On a dit des populations autochtones, ils ne projettent pas. Ils ne spéculent pas sur le temps. Donc un tabou fondateur, mais dans toute l'Australie, hein, vous prenez les 200 groupes en Australie, ils ont tous ça. C'est le tabou le plus important. Voilà, empêcher l'inceste père-fille. Alors Freud avait envoyé Roheim en Australie pour vérifier s'il y avait complexe d'Oedipe. Il n'a pas vu ça, il n'a pas compris. Bon, donc, je continue avec ce modèle-là. On va garder le cercle, mais pour autre chose. Parce que le cinquième cercle, ici, il dit en Walpiri, Kurechi, c'est le terme, c'est bouclier, c'est le nom de l'initiation, de la circoncision dont on vient parler. Ensuite, il dit Chadi Wampa, c'est la cérémonie de règlement du feu. Et il dit, et des tas d'autres, c'est ce que les blancs appellent ceremony, donc les rituels. D'accord ? Voilà. Donc voilà ce que vous avez. Les rituels. La famille. Famille, mariage. La langue. Et la loi, c'est-à-dire les totems. Et ensuite, il trace des lignes là, il relie tous les cercles, comme ça et comme ça. C'est-à-dire, en croix et en losange. Et il dit, tout est lié. Et si un de ces liens est rompu, eh bien, il n'y a plus de Walpiri. ça s'écroule. Il dit si la langue n'est plus liée à la terre, si la terre n'est plus liée à la loi, si on ne fait pas les rituels de la terre, si la famille ne respecte pas les initie pas les garçons, etc. Voilà. Alors bon, bien évidemment qu'il y a des tas de choses qui sont menacées, mais le fait de faire ça sur YouTube en 2007, c'est une façon de répondre à ce qui, pour eux, est leur modèle épistémologique du totémisme par-delà l'histoire coloniale. C'est-à-dire par rapport à toutes les questions qu'on s'est posées du totémisme au moment des débats du 19e et du 20e siècle, les termes essentiels sont gardés. Ils ne sont pas articulés de la même manière. D'une certaine façon, ce qu'il dit ici, c'est l'inverse de Durkheim. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Et après, je crois qu'on peut... C'est-à-dire, vous pouvez préciser comment? Pourquoi c'est l'inverse de Durkheim? Parce que, pour Durkheim, c'est par les cérémonies seules que se fabrique le reste. Du sens du collectif. Or ici, il n'y a rien qui est premier. C'est un réseau où tout est en feedback. Bon, c'est pas l'inverse pour l'inverse, mais ce qui manque, pourquoi il commence par la terre? Ce qui manque chez Durkheim, c'est ça, c'est la terre. Et pourtant, il a lu dans Spencer et Guilen à quel point c'était important le lien entre les totems et les lieux, mais il ne comprend pas. Et la plupart des anthropologues ne comprendront pas l'importance de la terre jusqu'aux années 70 quand il y aura des revendications territoriales, parce qu'on est dans le fantasme du nomade. Et on pense qu'il suffit d'avoir des totems et des familles, des rituels pour faire une société, mais ça ne suffit pas. Ce qui est premier ici, c'est pas par hasard qu'il a appelé ça l'ensemble de son Mulakul, c'est la terre. Donc la terre en tant que, comme j'essayais de vous montrer au début, en tant qu'actualisation du dreaming dans des lieux. D'accord ? Donc c'est cette fabrication de la lecture de la terre en tant que lieu et pas en tant que différenciation d'espèces, okay, qui est première, mais qui ne peut se maintenir qu'à condition que les hommes fassent des rituels, parlent la langue, s'organisent dans leurs relations familiales et d'alliance, comme j'ai montré sur le cube, et sachent interpréter la loi, c'est-à-dire sachent chasser, cueillir, lire des indices pour survivre. Alors, juste, si vous m'accordez, je sais que c'est une heure normalement, je peux parler encore 5 minutes, juste pour réfléchir. Donc on a deux modèles, enfin on a le modèle de Wanda là, sur YouTube, on a le cube pour la parenté. J'ai plus de place, qu'est-ce que vous préférez que j'y fasse? Le cube, ça va, c'est tranquille? Oui, tout le monde là. Bon, alors le troisième modèle, c'est Guattari. Comment ça s'articule pour penser les choses au-delà des aborigènes? Ça, on peut revenir dessus. Vous connaissez tous la cartographie de Guattari? Non. Qui ne la connaît pas? Je connais. Ah bon, d'accord. Alors, bon, il y a plusieurs textes que vous pouvez regarder, mais bon, le plus simple, c'est encore Cartographie schizoanalytique. C'est un livre. Bon, donc, là aussi, on va avoir des petits cercles. Je vais vous en faire 4. Bon, alors, on va commencer par le plus simple. Ça, c'est ce qu'il appelle les territoires existentiels. Ça va si je mets juste les lettres, TE, territoire existentiel. Ici, c'est ce qu'il appelle les univers de valeur. Bon, on va quand même mettre les mots parce que... Voilà. Donc là, c'est territoire. Alors, avant de vous dire ce que sont les cercles, on va faire comme... c'est une matrice, en fait. Bon, on peut la voir en 2 dimensions, elle est beaucoup plus compliquée, elle se déploie en plusieurs dimensions, mais là, on va la faire qu'en 2 dimensions. Ce qui est important à retenir, c'est ceci. C'est que ici, on est du côté du virtuel. Donc, c'est concept guattarien et deleuzien. Là, c'est la cartographie de Deleuze. Et là, on est du côté de l'actuel. Ici, on est du côté du réel. Donc, il y a 4 facteurs. Et là, on est dans le possible. Donc pour comprendre en fait les quatre pôles, polarité, le territoire existentiel, c'est quelque chose qui est à la fois réel et virtuel. C'est parfait pour les aborigènes. Okay, mais ça peut marcher pour des tas d'autres choses. Okay. La terre, au sens nationaliste, elle n'est pas là. Okay. Elle va être là. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est ce que Guattari appelle les flux. Donc c'est le capital. Et c'est aussi la libido. N'oubliez pas, il est psychanalyste. C'est aussi bien des flux, le sang, hein, toutes les excrétions du corps, hein, les flux du corps, dans les mythes, qui justement expliquent la cristallisation des choses, ou même plutôt la crispation des choses dans le sol. Et ce qui est actuel et possible, c'est ce qu'il appelle les phylums machiniques, ou parfois simplement machines. Ici, souvent, c'est les sciences, c'est la pensée scientifique, les diagrammes, les maths, enfin, ce genre de choses. Donc, moi, quand on a commencé à travailler avec... Donc, actuel et possible, phylum, machine, possible et virtuel, univers de valeur, incorporel, c'est important. Virtuel et réel, territoire existentiel, actuel et réel, les flux. Bon, tout est lié. Ce que disait Guattari à propos des données aborigènes, donc, comme j'ai dit tout à fait au début, cette cosmologie, cette cosmopolitique en réseau des itinéraires totémiques dans l'espace, l'utilisation du rêve comme créativité, c'est très important, hein, comme possibilité de transformation, n'est pas de l'ordre de l'icône, n'est pas de l'ordre de la représentation, c'est asignifiant. Mais c'est des territoires existentiels qui s'appuient sur des univers de valeurs incorporelles. Donc le dreaming, comme je vous l'ai expliqué, comme mémoire au départ. Et voilà, c'est ça qui l'intéressait. Et ici, cette ligne, c'est ce que, dans sa cartographie, il appelle une déterritorialisation subjective. Je mets juste déterre. Mais subjective. Et c'est de l'ordre de l'énonciation. Ce sont ces termes. Hein. C'est avec ça qu'il articule les choses. Alors que la relation entre les phylums machiniques, les machines, les flux, c'est une déterritorialisation objective. Et c'est ce qu'il appelle l'expression. Ensuite, entre les phylums machiniques et les univers de valeurs, donc sur la ligne du possible, c'est ce qu'il appelle la discursivité propositionnelle. Alors que, entre les flux et les territoires existentiels, c'est ce qu'il appelle la discursivité énergétique. Donc ça, c'est très important aussi, parce que là, on n'est pas dans le langage. Le langage, il est là-haut. Alors, je vais finir là-dessus en vous disant juste que, pour moi, réfléchir avec cette chose-là est extrêmement fructueux. Dans le livre là, qui va sortir au Brésil, j'ai analysé des mythes en utilisant ça, pour montrer que les mythes ne sont pas tous... là, juste des univers de valeur, au contraire, ce sont des outils conceptuels qui se baladent sur les quatre pôles, selon leur priorité. Et si je prends les tabous, puisque j'en ai évoqué plusieurs, eh bien, le tabou belle-mère-gendre se situe quelque part là. Donc celui dont on vient de parler maintenant. Parce que ça a à voir à la fois avec le territoire existentiel et la machine sociale, hein, qui fabrique la société. Ensuite, les tabous sur les totems, c'est ici. C'est-à-dire, les tabous sur les totems, manger, pas manger, peut-on utiliser, pas utiliser, hein, tous ces débats qu'il y a eu dans l'histoire du totémisme. Ici, on a quelque chose qui a très peu intéressé les anthropologues, c'est les tabous sur les lieux. Parce que quand quelqu'un meurt, il faut aussi éviter son lieu, aussi bien son campement que les lieux qui sont liés à son devenir totémique. Hein. Donc là, c'est les tabous sur les lieux. Et on retrouve des choses comme ça aussi chez les Roms, par exemple, qui doivent quitter le lieu où quelqu'un est mort. Alors que dans ici, entre les flux et les univers de valeur, c'est les tabous sur les noms, dont on a parlé tout à l'heure. Donc comme vous savez très bien, Guattari ne séparait pas les processus de subjectivation individuelle et collectif. Enfin, bien évidemment que pour certaines personnes, les enjeux ne sont pas les mêmes quand on tire vers l'individu ou quand on tire vers le collectif, mais c'est essayer d'appréhender les processus de subjectivation ensemble. Eh bien, c'est ça que son diagramme aussi tentait de cerner. Donc ici, pour moi, par exemple, quand je réfléchis sur les relations entre ces tabous, tabou de l'émergent, tabou des noms, tabou des lieux, tabou des totems, c'est à la fois individuel et collectif. Ça ne veut pas dire que l'individu est le collectif, au sens durkheimien. Hein? Et ça sort aussi du débat qu'il avait avec Tarde, qui tirait vers l'innovation, l'individu, la psychologie, etc. Voilà, ben écoutez, on peut s'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé très riche et très dense. Alors, s'il y a déjà des questions, on peut ouvrir tout de suite à la salle, sinon... Je pose une question d'ignorante, puisque je ne connais pas du tout ces diagrammes de Guattari. Je vois juste que la double opposition possible actuelle et virtuelle se retrouve distribuée. Je la laisse de côté. C'est une question que je me pose en fait depuis le début de votre exposé. Vous avez dit tout au départ que les devenirs n'étaient pas substantialistes. Donc, ces devenirs que vous avez balisés, et pour lesquels vous avez donné un certain nombre de repères, à la fois dans les images et dans le langage utilisé, ces devenirs, il me semble qu'ils sont tout de même très contraints. Qui sont très régulés, qu'on ne devient pas n'importe quoi. En même temps, vous dites qu'il y a quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau qui peut se produire. Et je me dis, mais vous allez me rectifier, que peut-être le récit ou le chant qui se fait à ce moment-là, rétrospectivement introduit une règle ou une régularité là où, en fait, il y a tout le monde de l'innovation qui se produit. Donc ma question porte là-dessus. Est-ce que tout ce système, ces machines, régulent entièrement les devenirs, auquel cas, je ne sais pas pourquoi vous dites que ce n'est pas substantialiste, parce que ça serait même des devenirs très contraints, ou bien il y a des repérages, mais il y a vraiment de l'innovation possible, et comment ? Oui, non, mais quand je dis que ce n'est pas substantialiste, c'est au sens où il n'y a pas une essence unique, c'est qu'on est toujours dans l'hétérogène. Donc le devenir totémique, qui est attribué à l'enfant par donc ce travail de ses proches qui vont dire, comme chez nous est déterminé par exemple le signe du zodiaque, okay, le signe du zodiaque est déterminé par la naissance, on va dire on est Verseau ou autre signe selon la date à laquelle on est. Donc là c'est pas la date à laquelle on est, c'est le groupe qui essaye de désigner l'enfant à naître, et parfois ils n'y arrivent pas, hein, je n'ai pas précisé, parfois on va se poser, je dis, il n'aura son nom qu'à 4 ans, parce que des fois il faut continuer l'enquête jusqu'à ce qu'il ait 4 ans pour être sûr que c'est bien de ce lieu-là qu'il vient. Alors ça va correspondre à quoi tous ces récits? C'est des choses du genre, par exemple il y a un combat dans le campement, et les gens sont vraiment énervés, et dans la nuit quelqu'un va rêver et va dire, ah ben c'est pas nous qui avons fait ce combat, en fait, c'est l'esprit enfant qui veut naître qui nous a, qui a fait que l'on se combatte, qu'on se dispute, parce que il y a du désir dans l'air. On dit les enfants, ils sont nampurpa. Ces esprits enfants, on dit, sont désirants de vivre. Donc, disons que ça s'est inscrit dans une espèce de poésie collective, mais il y a un enjeu d'interprétation de la situation du groupe à un moment donné pour savoir qu'est-ce qui se cristallise, enfin, dans l'enfant à naître, des possibilités qui existent. Mais les actions par lesquelles on va décrypter ça sont des choses que font les hommes à ce moment-là, elles ne sont pas déterminées. Alors, bien évidemment qu'il n'y a pas d'autre choix que ce qui existe. Et ce qui existe, c'est les animaux et les plantes et les phénomènes qui sont nommés. Bon, alors, mais en même temps, c'est beaucoup quand même. Donc, quand je dis que c'est pas substantialiste, c'est que... Alors, bon, c'est une question d'interprétation. Par exemple, une femme dont un des devenirs totémiques est prune, parce que tout son groupe était gardien, donc, d'un segment, enfin, d'une suite de lieux qui ont été... qui sont le résultat du marquage par le peuple prune, qui voyageait avec des opossums. Eh bien, elle va dire, au moment de la saison des prunes, les lèvres des femmes prunes deviennent noires. Et pourquoi? Alors, est-ce que c'est substantialiste que de dire ça? C'est un processus qui est lié à une reconnaissance. Alors, normalement, on n'est pas trop censé manger son totem. Et vous savez sans doute que quand on mange des mûres, on a les lèvres noires. Et ces prunes-là, elles sont vraiment délicieuses et attendues avec impatience. Hein? Donc voilà. Alors quand les femmes racontent ça, elles rigolent. Hein? Ben, bien sûr qu'elles vont avoir les lèvres noires pendant toute la saison des prunes, parce qu'elles ne vont pas arrêter de manger des prunes. Hein? Bon, mais après, il y a d'autres choses. Un enfant qui naît, on va tout de suite regarder son corps et on va chercher des marques corporelles. Donc, on va faire un travail d'analogie par rapport aux marques pour aussi repérer si c'est bien, par exemple, si on a rêvé de tel oiseau lié à tel site, si c'est bien l'enfant qui est aigle ou autre. Donc, on n'arrête pas d'interpréter, en fait. Et cette interprétation au sens large, c'est ça la part de créativité. D'accord. C'est ce qui leur a permis de faire les peintures sur toile, où ils utilisent d'autres couleurs, où le cadre rectangulaire a fait une espèce d'explosion, d'exploration visuelle extraordinaire que vous pouvez voir dans plein de musées, etc. S'il n'y a pas d'autres questions tout de suite, moi j'en ai une qui va un peu dans le même sens en fait, enfin qui s'intéresse aussi à la question du devenir. Et je voudrais reprendre en fait ce que vous avez posé au tout début de l'intervention, parce que du coup vous avez mis en valeur peut-être pas une opposition, mais clairement une différence entre l'utilisation du terme devenir par rapport à celui du terme d'ontologie. Et du coup j'ai un petit ensemble de questions. C'est pas exactement ce que j'ai fait, parce que Deleuze et Guattari utilisent le terme ontologie autrement que Descola. Alors c'était ça ma question en fait. Parce que la définition de l'ontologie totémique comme substantialiste, hein, dans le livre Par-delà nature et culture, ne rend pas compte du devenir ontologique du totémisme tel que j'en parle, ou que Guattari l'a compris, ou que des tas d'autres collègues qui travaillent en Australie entendent le totémisme. Alors du coup, en fait, c'était le sens de ma question. Hein, c'est-à-dire, il me semblait que peut-être on avait quelque chose de plus proche avec l'utilisation du terme ontologie, dans un cas plus du côté de Vivarosé Castro, où l'ontologie, elle est plutôt envisagée non pas comme une cosmologie, une représentation du monde, mais plutôt comme une autre manière de penser l'être. Et là, il me semble que, effectivement, dans ce que vous aviez mis en valeur sur le fait que il y a des recréations à chaque génération et qu'on a la possibilité de penser des profondes transformations et de fabriquer de la différence, que peut-être en fait on pouvait parler d'une ontologie vraiment différente dans ce cas de figure. Et du coup, je me demandais si, du coup, justement, comment est-ce que vous vous situez par rapport au champ du tournant ontologique, comment vous pensez, enfin, vu que vous avez une vraie réflexion sur le devenir et du coup sur l'ontologie, comment est-ce que vous appréhendiez la manière dont le mot est utilisé aujourd'hui par des anthropologues? Moi, je pense, je ne sais pas si vous avez étudié ici un des textes, je ne sais pas si je l'ai là, de commentaires justement du tournant ontologique en anglais, qui est paru dans American Ethnologist en août, le texte de celui-là, Ontological Anthropology and the Death Roll of Critic. C'est de Luca Bessir de l'Université d'Oklahoma et de David Bond du Bennington College. Ça répond à ce débat de... Il y a toutes sortes de gens qui rejettent le tournant ontologique, pas pour les bonnes raisons. Mais il y a quand même un certain nombre d'autochtones, de penseurs autochtones, d'activistes autochtones aussi, qui ont pris position, pas forcément au débat ontologique, mais en tout cas à l'anthropologie en général, comme particulièrement à l'heure actuelle, sur des questions de climat, de fin du monde, etc., de ne pas prendre en compte ce que tous ces peuples-là disent depuis très longtemps, et pas juste dans les livres d'anthropologie. Ils le disent sur la scène politique, ils le disent à l'ONU, ils le disent dans leurs rencontres, ils le disent aux médias, ils le disent dans les pays où ils vivent, face dans leurs revendications avec les États, etc. Donc c'est par rapport à ça qu'ils font le texte, hein, on ne va pas le lire en entier, mais voilà ce qu'ils disent à la fin. Donc je le lis en anglais, tout le monde comprend l'anglais. Vous voulez que je traduise en français? Oui. En anglais? Ok. We thus find it misleading to suggest anthropology must choose between the oppressive dreariness of monolithic modernity or the fanciful illusions of the civilization to come. Donc il y a ce débat, hein, entre... Both options leave us flat-footed and ill-equipped to account for the conditions of actuality in our troubled present. Et il cite Bill et Petrina et Forton. Instead, we concur with Fisher that what is urgently needed in its place is, donc c'est, il cite Fisher, a new humanistic politics open also to the post-human with its human components that will allow us to survive, to live after whatever catastrophes that lie in store and that will counter the widening inequalities and devastations of our current cannibal economies, consuming the lives of some for the luxury of others. Fin de citation, donc, de Fisher, 2013. The speculative futurism of ontological anthropology, the speculative futurism, et c'est surtout sur, par rapport à Latour, en fait, je pense qu'il parle, as currently practiced, hinders this aim. Such a project can only begin with the recognition that our futures are contingent, because our present is as well. If ontological anthropology fails to account for such contingencies, then it assumes the form of a modern myth, and the only image it reflects is its own. Donc, cette dernière phrase-là est très importante, parce que le... La matrice de Descola est très intéressante à utiliser pour penser. C'est comme quand moi j'utilise la cartographie de Guattari. À partir du moment où on utilise des termes polarisés comme ressemblance, différence, intériorité, physicalité, bon, forcément c'est exhaustif. Donc on classe d'une certaine façon, on répartit des propriétés. Mais ensuite, si ces propriétés, au-delà de catégories à penser, sont censées condenser et réduire des réalités sociales de peuples vivants qui sont dans un enjeu de survie pour lesquels les concepts de leur existence incorporés dans leur vie sont leurs outils de lutte pour survivre, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais du coup, pour faire une question un peu polémique, est-ce que ce serait la même chose pour perspectivisme aussi? Ben, ça dépend, parce que justement pendant le colloque au mois de juin, il y avait des gens qui disaient qu'il y a des Indiens qui se sont appropriés certaines idées de Viveros pour agir, et Viveros lui-même disait que c'est pas forcément lui qui avait cette manière d'articuler ses idées. Donc après, tout dépend ce qu'on en fait. Ce qu'on ne peut absolument pas, ce qui est tout à fait louable, c'est le fait que le livre lui-même, Par-delà nature et culture, pose la question, non pas du relativisme, de l'opposition entre nature et culture, mais met à l'honneur, en quelque sorte, le fait que l'on puisse penser autrement, et que ces catégories sont arbitraires. Mais c'est aussi ce qu'on avait admiré dans les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim, qu'il donnait du crédit à des sociétés qui n'étaient même pas vues comme humaines à l'époque, en l'occurrence les aborigènes, comme étant déjà des sociétés, en plus ayant une religion. Mais ça ne suffit pas. Si on lit Durkheim aujourd'hui, il y a des tas de choses, enfin surtout ce livre-là, je veux dire, parce qu'évidemment il a écrit des tas d'autres choses, il y a des éléments qui nous aident à penser, qui continuent à aider à penser différents anthropologues selon les terrains qu'ils ont, mais ce qui est dit au niveau éthique de la réalité de la population dont il est question, ça ne peut plus passer. Donc, ce qui est dit dans le chapitre ontologie totémique de Par-delà nature et culture, c'est un artefact. C'est comme les navis du film qui a beaucoup plu aux Indiens d'ailleurs, enfin à certains et pas à d'autres. Avatar, voilà. Hein? Donc, c'est comme un jeu. Mais ce jeu-là a des conséquences qui sont problématiques. Parce que aujourd'hui, et bon, on le sait dans l'histoire de l'anthropologie, on a critiqué une vision essentialiste de l'humanité, donc qui a été la critique d'une perception de type eugéniste, racial, des humains. Et donc, on retourne la critique que l'on fait en disant il ne faut surtout pas parler de racisme et d'essentialisme, mais enfin c'est les autres qui le font. Non, et justement on projette sur eux ce que l'on a fait pendant très longtemps. Or justement ils n'en ont pas besoin. Je veux dire, c'est pas leur problème de dire que quelqu'un qui est un devenir kangourou, comme le kangourou est un devenir kangourou, hein, l'animal kangourou est un devenir du prototype kangourou, du rêve kangourou. Il faut entendre ce que les mots disent. Hein? Ils appellent ça des rêves. Le rêve est un devenir. Donc, un humain qui s'appelle kangourou ou prune ou autre, mais en général c'est une constellation, il n'y a pas juste une seule chose, eh bien, il est en devenir. C'est le devenir humain du prototype kangourou. Tout comme les kangourous qui naissent là en tant qu'animaux, ce sont des manifestations de ce devenir. Tout comme les lieux qui ont été marqués par les prototypes kangourous sont d'autres devenirs. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne sépare pas ces devenirs. Mais il y a une multiplicité de devenirs. Mais pour qu'ils puissent continuer à devenir, eh ben, il ne faut pas essentialiser. Essentialiser, c'est la mort. La catégorie ontologique où tout est en continuité, c'est la mort. Du coup, j'ai une question toute simple et un peu plus empirique. On a vu à l'écran les cérémonies avec le marquage des corps, et j'ai bien compris l'idée, qui était assez convaincante en fait, avec les dessins, d'opposer un paradigme iconique et indiciaire, faire jouer le second. Par contre, est-ce que tu peux juste préciser comment c'est lu, en fait, dans quel contexte est-ce que c'est lu? Est-ce que c'est des choses qui sont... qu'est-ce que ça veut dire, mais quel est le sens, en fait, de ce modèle des peintures corporelles? Ben, c'est pas lu après coup, c'est lu pendant que ça se fabrique. C'est-à-dire que c'est le contexte qui donne le sens de ce qui est en train d'être fait. Parce que, est-ce qu'on peut, parce que c'est éteindre le projecteur, enfin par l'ordi, enfin je sais. Parce qu'en fait, si encore un petit Kleenex pour sur le même bouton. Il est sur la table. Donc, j'efface la droite ou la gauche? Qu'est-ce que vous préférez? D'accord. Alors. Vous avez pu remarquer, par exemple, ne serait-ce que la couverture de Rêve en colère, ok? Ce dessin-là, vous l'avez vu plusieurs fois, mais il ne se rapportait pas toujours au même devenir totémique. Et pour cause, c'est que c'est très simple. Les cercles ici qui sont des lieux, donc sur les épaules, les lignes qui relient deux lieux ici, et ensuite d'autres lignes qui relient d'autres cercles ici sur les seins. Voilà. On peut faire des tas d'autres dessins, hein, ensuite faire des choses comme ça. Et même ça, on peut l'avoir pour différents totems, puisque c'est une carte. C'est des lieux, c'est des trajets qui les relient, et puis c'est des indices de certains éléments qui sont présents. Donc, par exemple, les demi-cercles, ça va être des êtres totémiques assis, peu importe le totem. Donc, pour savoir que ici, en l'occurrence, cette femme, Nakakut, Barbara Nakamura Gibson, est peinte du rêve totem prune associé à Muliukarichi, eh bien, il faut savoir que c'est ça qu'elle et les femmes qui l'ont peinte ont voulu faire. Parce que ce jour-là, elle voulait célébrer le voyage des femmes et des hommes ancestraux prunes, noires, yawaki, de tel lieu à tel lieu. Donc, comme vous avez vu dans le film. Qui, par ailleurs, est une initiation. Ça a duré pendant 5 mois. Vous avez vu les petits panneaux avec les dates par moment. Donc pratiquement tous les jours, les femmes qui étaient dans le camp des femmes dansaient, érigeaient donc ces piquets dans le sol qui, pour le temps de la cérémonie, à chaque fois qu'il y en avait deux qui étaient reliés par des cordes sacrées qui sont faites avec les cheveux et enduites d'ocre, matérialisaient la présence des héroïnes ancestrales du rituel de référence qui était célébré pour initier une vingtaine de jeunes hommes qui sont restés 5 mois en séclusion avec les hommes dans un autre camp où les femmes ne pouvaient pas aller, tout comme les hommes ne pouvaient pas aller dans le camp des femmes. C'est pour ça que vous avez vu que des femmes, mais je pense que vous avez vu un dernier, il y a eu un film où il y a eu une petite séquence pendant que je parlais, je vais le dos tourner, où vous avez vu les femmes marcher et aller dans un campement où il y avait des hommes. Vous avez fait attention, non? Vous n'avez pas remarqué? Regardez-toi. Ah bon, d'accord. Et ben voilà, donc il y a eu un moment, tout à fait à la fin du cycle, donc au bout de 5 mois, petit matin, 5h du matin, toutes les femmes ont été convoquées au campement où les garçons sont sortis de leur séclusion rituelle, de leur initiation, et donc ont été rendus aux femmes, aux mères, aux sœurs, couverts de cadeaux avec des tissus et recouverts de tissus et de justement de cordes faites avec des cheveux puisque c'était la monnaie ancienne. Mais ces deux campements qui étaient séparés pendant 5 mois ne signifient pas que les gens n'avaient pas des échanges. Tous les jours, il y avait une des femmes du campement qui, bien que ne jouant pas, ne donnant pas des directives au moment des rituels, était le boss du rituel, parce qu'elle était gardienne, c'était son devenir totémique, que ce récit qui servait aux initiations, rencontrait deux anciens pour décider des lignes, des courroiries qui seraient dansées, parce que les femmes et les hommes faisaient la même chose. C'est-à-dire, on apprenait en fait aux jeunes initiés les chemins de voyage de leurs différents devenirs totémiques. Parce qu'ils étaient 22, donc il y en avait des quatre arêtes du cube, si j'ose dire. Donc certes, parfois on leur dansait la pluie, d'autres fois on leur faisait les ignames, d'autres fois les graines. Par exemple, il y a eu une danse que vous avez peut-être remarquée, où les femmes se baissent et ramassent avec une tablette en bois du sable, et ensuite elles dansent et elles sèment le sable. Donc c'est le rêve des graines. On est dans une société de chasseurs et cueilleurs qui ne semait pas, mais le devenir du rêve graine, c'est de semer des graines. Les humains ne le font pas, c'est le vent qui le fait. Mais dans leur danse, elles font le geste des semeuses. Comment c'est transmis? Puisque vous avez dit, en fait, ces femmes, elles savent ce qu'elles ont à faire. Mm-hmm. Alors, comment ça devrait être transmis? À force de participer à des rituels, et c'est bien le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup moins. C'est le problème aujourd'hui, c'est qu'ils en font beaucoup moins. Il y a eu énormément de rituels à la période où les gens étaient sédentarisés de force. Grâce à ces rituels, en fait, ils ont gardé en mémoire la cartographie de leur terre où ils ne pouvaient plus voyager. Donc c'est les rituels eux-mêmes qui se transmettent. C'est tous les éléments qui composent le rituel, c'est-à-dire les dessins, mais qui peuvent aussi être recombinés autrement parce qu'on en rêve de nouveau. C'est les chants, mais qui peuvent aussi se modifier puisque des bouts disparaissent avec le deuil. Et c'est les danses, donc il faut les faire pour à la fois célébrer les totems, faire les initiations, aussi au moment de certains rites de guérison et des règlements de conflits. Et les funérailles, c'est un peu différent, on ne va pas faire ce genre de danse. Mais le fait de danser régulièrement et de chanter les parcours et les toponymes de ce territoire où ils ne pouvaient plus aller puisqu'ils étaient enfermés en réserve, leur a permis d'en garder la mémoire. Et donc, quand ils ont pu, dans les années 70, voyager à nouveau, eh bien, ils se sont réappropriés le territoire par rapport à ce savoir qu'ils s'étaient transmis de manière visuelle, orale. Mais ce n'est pas en faisant des cartographies comme nous, c'est en les performant par le rituel, en dansant. Mais parce que c'était lié à des engrammes. C'est un petit peu comme l'art visuel, quand on se balade dans une maison pour se souvenir de quelque chose. Il y a ces toponymes, ces index font office d'engrammes de mémorisation, même si on n'y va pas sur la terre. Mais bon, c'est bien mieux d'y aller. Et d'ailleurs, quand on y va, eh ben, on revient avec des esprits enfants qui ont choisi de naître. Mais du coup, justement, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans ce rapport au totem, enfin, au non-totémique, tu as décrit beaucoup de choses, c'est-à-dire les tabous qui étaient liés pour les noms, pour les lieux, etc. Mais il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, c'est les modèles d'identification. Alors que chez Descola, typiquement, c'est un peu recouvert par ça. Chez plein d'autres gens, c'est recouvert par ça. Et du coup, est-ce que ça veut dire que ce modèle-là, c'est un modèle un peu trop... est-ce que tu considères que c'est un modèle un peu trop simple ou, comment tu te situes par rapport à ça? Ce que je m'attendais, en fait, habituellement, à, dans la lignée Lévi-Strauss, ça va entendre. Bon, est-ce que c'est quelque chose de ce genre-là, par exemple, qui est dans le bouquin Rêve en colère, page 270? Une femme parle, ok? Elle explique. Ayardouralini, le rêve a pris Inyam, Ngalachi, il a pris le prénom de mon père. Avec le rêve, l'esprit de mon père est allé, loin, à Yamakungu. La fleur d'Inyam a parlé au rêve Inyam. Elle a dit, Inyam. Et l'Inyam a poussé, l'esprit de mon père. Le rêve est allé. Il est allé au site sans nom. Les feuilles ont poussé, une nouvelle Inyam est née. Les racines se sont étendues au loin, jusqu'à Nganka, elles ont emmené le rêve. En ligne parallèle, elles sont allées. La fleur d'Inyam a parlé, à Yalinga Porunyu, une nouvelle Inyam est née. Dans le sol humide, le rêve fit une igname. Les feuilles se sont couchées, elles brillaient d'un vert vif, nourries de l'eau de la terre. Le rêve de mon père a emmené son nom, igname a étendu ses racines. De nouvelles racines longues, très longues, ont voyagé jusqu'à Yinikimpi. Sur toute leur longueur, elles ont donné des tubercules qui partaient vers le haut ou le bas. Mon père sentit le sol, il le frappa. La terre était dure, là où les tubercules avaient poussé, les racines se sont étirées jusqu'à la Purkura. Des tubercules sont nés, mon père creusa le sol, il en trouva beaucoup. Il creusa et suivit les racines jusqu'à Ngalanchi. Le rêve fit tomber les racines tout près, à Yalunkani. C'est là qu'il posa le prénom de mon père. Avec d'autres esprits enfants, Kurualpa, il le déposa. Dans le trou d'eau, Panakulmanu, l'esprit de mon père est tombé. Inyam, le rêve de conception de mon père, continua jusqu'à Waputali. Mais là-bas, c'est une histoire qui ne m'appartient pas. Alors, cette femme s'appelle Chamanawita. Donc, quand elle, dans un rituel, se met soudain à chanter le rêve de son père. Or, la plupart des femmes présentes ne connaissaient pas ce chant. Certaines étaient prêtes à en savoir plus, mais d'autres étaient réticentes. L'argument, il y avait un conflit. Les femmes lui ont dit, tu n'as pas le droit de chanter ça. L'argument portait sur les fameux noms de peau. Chamanawita était une Nungara et son père un Japaljari. C'est une paire de noms de peau qui normalement n'est pas gardienne des ignames. En effet, des femmes, donc Napangardi et Napananka, donc d'autres, les autres peaux, en sont les gardiens. Lors des rites féminins en question, seules les gardiennes d'un rêve en sont peintes. Alors, de quel droit, disaient les femmes, Chamanawita Nungarai s'était-elle peinte du rêve igname? Chamanawita déclara que ce motif était celui du rêve igname de son père, qui est lié au Sityarankani, qui lui appartient aux gens de sa peau et de celle de son père. Ce site est bien sous la responsabilité de ses gardiens. Toutefois, ce site est habituellement associé au rêve hominicier et voie lactée, et non igname, insistaient les opposantes. Donc ça, c'est un exemple que je donne dans le livre, mais c'est constant. Surtout aussi aujourd'hui avec les compagnies minières qui viennent, qui proposent de donner des royalties aux gardiens de tel ou tel lieu, eh bien le territoire est semé de ce genre d'histoire. Mais les gens vont discuter ça et finalement, au bout du compte, les femmes sont tombées d'accord que, effectivement, elle avait le droit d'être peinte igname. D'accord, donc ce que tu veux dire, c'est que c'est pas du tout un problème d'identification au sens psychique, mais c'est de plus en plus repris dans des modèles politiques, je ne sais pas comment il faudrait dire, juridico-politiques. Oui, mais ce n'est pas juste aujourd'hui. Bon, moi je dis que ça continue à se faire dans des modèles à nous, politico-juridiques, mais si tu veux, c'était leur politique. L'enjeu c'était quoi? C'est que si tu as une sécheresse et que les points d'eau qui sont ceux de ton devenir totémique que tu partages avec ton père et tes frères sont à sec, et que tu es obligé de te rabattre sur un autre point d'eau qui appartient à quelqu'un d'autre, eh bien, il faut négocier la possibilité d'y rester s'il y a assez d'eau. Donc, c'est ça les enjeux. Donc, c'est le même enjeu qu'il y a vis-à-vis de l'eau qui aujourd'hui est l'enjeu vis-à-vis des royalties pour explorer de l'or, mais qui va aussi intervenir quand ils refusent l'uranium. Et d'autres vont leur dire « Ah oui, mais nous, on voudrait les royalties. » Ben non, vous n'avez rien à dire parce que c'est nous les gardiens. C'est pas opposé, ça. Hein, c'est une adaptation à des circonstances nouvelles, mais la politique de négociation, et on est très nombreux à l'avoir dit en Australie, je veux dire, c'est pas forcément les anthropologues qui sont le plus cités, mais je veux dire, on l'observe, et ça a été observé très tôt. Et même dans Spencer et Gillen, il y a plein d'exemples de ce genre. C'est pas ça que Durkheim a retenu. Et c'est pas non plus ce que Spencer et Gillen eux-mêmes ont retenu. Parce que c'est pas ça qu'ils cherchaient à l'époque. Mais pour comprendre comment les gens arrivent à tenir, comment toutes ces choses-là les font vivre, c'est en analysant ce type de processus. Et de performance, de créativité et de... L'identification, elle est en métamorphose, hein, en fonction des contextes qu'on a à vivre, des problèmes qu'on a à résoudre. Mais du coup, tu le découpes quand même totalement de tout problème psychique. Je me souviens, en fait, c'est à ça que je pense, ouais, que c'est d'être plus simple si je le dis directement. Je me souviens que Baptiste Gilles travaille chez les Telemgit. Dans le Canada. Il était venu et il utilise ce modèle de l'identification chimique sur des choses du type un caractère présent chez un individu fort comme un ours, par exemple. Du coup, on va avoir une identification. Je suis d'accord. Là, tu supprimes totalement toutes ces idées-là psychologiques, je ne sais pas comment il faudrait dire autrement. Bon, c'est possible qu'il y ait certains groupes en Australie où ça fonctionne comme ça, mais moi, je n'ai pas eu affaire à ça. Non. Par contre, il y a d'autres choses. Par exemple, je sais pas, les gens qui sont aigles. S'il y a un aigle qui est tué, un aigle qu'on connaît en plus, hein, c'est pas un aigle abstraitement, hein, qu'on voit une population d'aigles dans telle ou telle région, peut avoir mal. Hein? Aura mal. Quand l'aigle est blessé, la personne a mal. Mais quand un lieu est pollué ou détruit, les gens qui sont le devenir totémique de ce lieu ont mal, souffrent. Ok. Disons que c'est... Bon, il faudrait réfléchir plus longtemps à tout ça, mais moi, ce qui me gêne dans l'attribution dans la réduction des qualités à des choses du type chaud, froid, fort, faible, etc., c'est que, comment dire, ça simplifie le réel. Or, chaque histoire, chaque expérience est à son originalité très subtile d'effet et d'affect. Et donc, on ne peut pas expliquer les choses juste parce que il y a un qualificatif de tempérament. D'autres questions ? Non. Moi, du coup, j'ai une petite question un peu périphérique par rapport à l'ensemble du propos, mais qui m'intéresse, moi. Vous avez souligné au début que, du coup, dans le... Il y avait en permanence des transformations dans les frontières qui existaient entre nature et culture, donc tout le temps de la production de différences, et que les rituels, de ce point de vue-là, ils avaient un enjeu qui était... Alors, j'ai noté souligner ces nouvelles frontières qui apparaissent. Peut-être que c'est un peu plus... peut-être qu'on peut le dire de manière un peu plus précise. Et donc, je me demandais, du coup, par rapport à la question rituelle en Australie, dans les populations que vous étudiez, est-ce que, du coup, il faut envisager le rituel comme un moment de production du contexte social, c'est-à-dire production du nouveau monde qui nous entoure, enfin, de catégorisation de ce monde, et donc qui va permettre, justement, non pas d'agir sur des individus à proprement parler, mais plutôt de créer l'espace et de catégoriser l'espace dans lequel ils vivent. Enfin, je sais pas si... Oui, on peut dire ça, et d'autant plus qu'aujourd'hui, où, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup moins de rituels. Wanta qui a fait ce dessin que j'ai fait tout à l'heure, là, comme vous pouvez voir sur YouTube, dans le sable, il a aussi eu l'idée de faire un festival chez les Walpiri à la Djamanou qui s'appelle Milpiri, qui est un type de nuage qui apporte la pluie, où les jeunes aujourd'hui qui ont Internet, qui écoutent la musique que tous les jeunes écoutent, donc qui aiment le hip-hop, sont invités à interpréter en hip-hop en se mélangeant avec les anciens qui sont peints avec les devenirs totémiques. Et donc ça fait un grand spectacle avec une scénographie où il y a les grandes peintures sur toile ou sur bois qui sont peintes à l'acrylique avec toutes les couleurs. Et donc en fait il a adapté, enfin chaque année, il vient d'en y avoir un en novembre, je n'y suis pas allée mais j'ai eu des échos. Il choisit en fait des thématiques de différents types de rituels qu'il retraduit en festival où les différentes générations peuvent fabriquer une transmission. Et surtout, comme ils le disent, un moment de bonheur. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est la joie. Manu, c'est de s'amuser et c'est ça qui fait exister le tout. Donc là, c'est l'exemple chez les Walpiri, mais partout en Australie, il y a des centaines de festivals. Il y en a en Terre d'Arnhem aussi, Gamma, qui a lieu tous les ans au mois d'août. Et c'est pareil. Alors c'est souvent aussi, à Gamma, c'est encore plus politique, parce qu'ils invitent des gens qui sont extérieurs au groupe pour discuter de problèmes de justice, d'éducation, de tourisme, enfin d'économie alternative, de mines, etc. Le fait de performer, de danser ensemble ce qui fait leur territoire existentiel, oui, ça les fait exister. Quitte à ce que ce soit réadapté. Mais il n'y a jamais deux rituels qui sont pareils, de toute façon. Aujourd'hui, même les funérailles servent à ça. On voit les aborigènes voyager à travers tout le continent pour participer aux funérailles. Il nous reste 2 minutes. Une question. Très rapide. Non. Bon, bah, merci beaucoup Barbara pour cet exposé. Et merci. Merci à vous pour vos questions.